Attendant que moi et toi, nous puissions l'adorer. Ce qui est bon, c'est que nous avons fait ça. Alors, on n'accepte pas qu'une pierre se lève pour le glorifier. Alors que moi et toi, nous sommes créés à son image, pour la gloire de son nom. Alléluia. Yeah. Yeah. Seigneur, nous te levons ce matin. Il y a un écho, c'est pas mal à ça. Zambo abati loka. Zambo abosa loka. Zambo abosa loka. Liboso ya kiti na yo na eko sopa. Sopa motema na yo liboso na yawe. Motema na yo. Liboso ya kiti na yo to eko sopa otema na yo awe awe yo sa yo ngai na luka ucha mwakala elona monio Seigneur, personne n'est à chercher sans te voir. Yosa yanga ina luka uta mwakala lelo na monio yawe kobola mosala elingo ye eti ningo ye naeba ze Zamenazana ni bona vanda ki mi na presence na yo Kuma manzambe na bombo Zambe na bawa Zambe na bolivo Zambo ali na babiso Zambo aye binyonso Zambo azombo na nyonso Zambo atalaka Eh ki nou protège Seigneur Eh Zambe Yosaya ngai na luka Uta mwakala Lelo na monio Yawe, yawe, yawe Yawe Po masumo libi singaye Eti ningaye Nae manze moyo Angoto yendi Oh Malasi na ngale, malasi na ngale, malasi na ngale, motema. Se tenir debout devant le Seigneur. Tunaweza sisi wote kusimama wima mbele ya Bwana. Alléluia. Je voulais encourager quelqu'un ce matin. Napendelea kutilia kiasi mtu mmoja asubuhi. Qui marche avec des questions dans sa vie. Eko natembea na majiulizo mu maisha yake. Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. Ton cœur est brisé ce matin. Roho yako inavunjwa asubuhi. Il n'y a pas d'issue autour de toi. Hakuna kitu kando kando yako. Il n'y a même pas de gens sûrs. Hakuna ta watu wa kuhakikishia. Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. Alors j'aimerais qu'on nous chante ce cantique dans une attitude de prière et d'adoration. Napenda watuimbie kwa wimbo muali tu ya maombi na maabudu. Tu ne peux pas imaginer combien il est fidèle. Hauwezi kufikiri jinsi gani anakuwa mwaminifu. Tu ne peux même pas comprendre. Haustaweza hata kuyaelewa. Mais commence à proclamer la fidélité de Dieu dans. Lakini anza kutangaza uaminifu wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Dans des moments difficiles, Jéhovah. Wakati ya nguvu Bwana. Je ne peux pas. Combien ça coûterait? À la croix, il a pris ma place. Il a pris ma place. Un Dieu se donnait. Un Dieu se donnait. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer. Combien ça coûte. Combien ça coûte. À la croix, Seigneur. À la croix, il a pris ma tu place. Tu as pris ma place. Tu as pris ma place. Je ne peux imaginer combien ça coûtait, Seigneur. À la croix, tu as pris ma place. Un Dieu s'est levé. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ta place, ma place. Oui, pour me sauver, il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place, Seigneur. Tu m'as sauvé, tu m'as guéri. Il y a quelque chose que je veux faire ce matin. Kuna kitu kimoja Mungu anatamani kufanya asubuhi. Dans la vie de quelqu'un. Mu maisha ya mtu mmoja. Ne sois pas distrait. Usikue katika vurugo. Est-ce qu'on peut nous chanter seulement avec le clavier Dinala Kumungu? Nous chantons toute l'église seulement ce cantique. Alléluia. Alléluia. Laisse que ton cœur ce matin. Acha sasa moyo wako iasubuhi. entre dans cette intimité avec le Seigneur. Ingie moi uketo pamoja na Bwana. L'église, nous chantons ensemble. Kanisa zote nzima tunaimba pamoja. Alléluia. Alléluia. Hakuna Mungu kama wewe. Alléluia. Tena mpendwa Panda tena zaidi, panda tena mpendwa. Hey, kerevo. Jesu. Seulement les instruments. Commence à parler. Il est là ce matin. Eko apa ya subui. Jésus. Il est là ce matin. Eko apa ya subui. Jésus. Jésus. Jésus. Jésus. Jésus. Jésus. Oui, Dieu est là ce matin. Mungu wako hapa asubuhi. Il est là ce matin. Eko hapa asubuhi. Il est touché quelqu'un. Alléluia. Jésus. Jésus. Oh, tu visites ton peuple. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Motema, pesil sa motema ologie Il y a contempler seulement le Seigneur. Oh, il est l'ami fidèle. Rafiki Pendoa. Rafiki mpendwa. Il est l'ami fidèle. Rafiki mpendwa. Yo moninga. Yesu. Est-ce que tu as un ami fidèle plus que Jésus? Unakuwa na rafiki mpendwa kushindia Yesu. Zate Masia na kosa la nyoso Oye kokina moto kosa Bona bomba bolingo na gana yo Yesue Yesue Yesue Tunaweza kumshangilia urafiki mpendwa. Tunaweza kumshangilia. Tunaweza kushangilia Bwana. Tunaweza kushangilia Bwana. Haleluya. Rafiki mpendwa. Rafiki mpendwa. Un instant. Peut-être que tu as beaucoup d'amis. Sasa wengine unakuwa na marafiki wengi. Mais de tous les amis. Lakini katikati ya warafiki wote. Il y a un qui est fidèle. Kuko mmoja anakuwa mwaminifu. Il y a un qui est fidèle. Mmoja tu anakuwa mwaminifu. C'est ce que tu espères dans beaucoup de gens dans ta vie. Unakuwa na tumainia mbuba mingi. Tu espères dans beaucoup de choses dans ta vie. Uko na tumainia mbitu mingi maisha yako. Mais je vais t'encourager. Lakini napenda kiasi. Un des gars arrive à 3h du matin. Ukonvibuma bunafika na saa 3 ya usiku. Le mari dort. Bwana anmela. La femme dort. Muke analala. Les enfants dorment. Watoto nao wanalala. Même les gardes à la maison. Hata wazamu nao kunyumba wanalala. Lakini kuko mmoja ule asilalake. Ni ule ambaye tunapenda ushangilia. Ni ule tuko na shangilia. Ni ule tuko na shangilia. Rafiki mpendwa. Rafiki mpendwa. Rafiki mpendwa. Si tu réalises dans ta vie. Unatasema maisha yako. Kinya a que Dieu. Ni paka Mungu. Frères et sœurs. Nduku na dada. Il n'y a que Dieu. Ni paka Mungu. Je me réveille à 3h du matin. Na lamuka saa 3 ya asubuhi. Je sors de la maison. Na toka nyumbani kwangu. Le policier avec son arme il dort. Na wose wote wanalala. Je me suis dit que c'est un homme. Nasema huu ni mtu. Je l'ai même aidé à ramasser les assiettes qu'il a mises à côté. Anaweza hata kulokota masana aliweza kuweka kupembeni. Tout le monde dort. Mtu wote analala. Même les poules. Hata wakuku nao. Abafanya kokoriko. Bacha kulala nako. Je me dis non, à ces heures-ci. Nasema kwa hii saa. Il n'y a que le Seigneur qui peut. Ni paka Bwana tu. Est-ce que tu peux acclamer pour unaweza kushangilia. Est-ce qu'on peut chanter ça? On peut célébrer ça. Ça coûte. Je l'ai qu'à. Vous n'avez pas préparé. Allez-y. Amukutarisha la kini muihime vile. Allez-y. Est-ce qu'on peut chanter? On veut que le cœur se réjouisse. Mio et pas te kufraikiwa. Solo nangaya. Tu peux chanter ensemble avec nous. On a ouais ça kuimba pamoja na kwaya. Likozi nangaya motuya éternellement rocher Tana molili akufa Osimbinga makasi Kukubanga elokote Ayuayo Isolo yangala motema Makozi na bakozi Likozi na ngaya motuya Eternellement rocher Atana moli liakuka Oshimiga makasi Nakobanga elokote Kaiwa iyo thank you. y va. Ozali Zamba. Okotikala. Yangongai. Nana Bangate. Tu chantes bien. Ah yes. Mote Malanga. Soko kate Amibariki. 1 Rois chapitre 3 verset 27. Et je voudrais que vous me suivez attentivement parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire ce matin. Na natamani munifate kwa makini kwa sababu Mungu atafanya kitu kimoja asubuhi. 1 Rois chapitre 3 verset 27. Et le roi prenant la parole dit. Na mfalme akachukua sauti akisema. Donnez à la première l'enfant qui vit. Et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Alléluia. Amina. Ce matin, je voulais enseigner sur cette dernière phrase. C'est elle qui est sa mère. Dis à ton voisin, à ta voisine. Sema na jirani wako mwanamke mwanaume. C'est elle qui est sa mère. Ni yeye ndiye mama yake. C'est toi qui es sa mère. Ni wewe ndiye mama yake. Cette mère qui a porté l'enfant pendant 9 mois. Huyu mama aliweza kushika mtoto kadiri ya miezi 9. Cette mère qui a supporté l'enfant pendant. Huyu mama aliweza kuchunga mtoto kadiri ya miezi 9. Cette mère qui a accouché l'enfant. Et un bon jour. On veut lui arracher sa bénédiction. On veut lui arracher son enfant. La mère refuse. Frères et sœurs, ce matin, il y a des choses que tu as attendues des années et des années. Il y a des choses que tu as cherchées des années et des années. Il y a des choses que d'autres n'ont pas eues, mais que toi tu as eues. Il y a des choses pour lesquelles tu as jeûné, tu as prié. Mais aujourd'hui, quand la chose est arrivée, l'ennemi veut t'arracher. La mère dit non, pas question. Je vais me plaindre. Je vais aller faire un recours. C'est le roi. Et quand ils ont fait recours chez le roi a dit, ne faites point du mal à l'enfant. C'est elle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ton roi, aujourd'hui, il ne va pas se tromper. C'est toi. C'est pour toi. C'est pour toi. ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Aina kwa jina mtu mwingine. Ni wako. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Aina kwa jina mtu mwingine. Cette bénédiction. I baraka. Cette grâce. Il est né. C'est pour toi. Il n'y aura pas de confusion. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour sa mère. C'est elle qui est sa mère. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Deux femmes. Dans la Bible, dit deux femmes prostituées habitaient dans la même maison. Oh, suivez-moi bien. Elles habitent dans la même maison. La première accouche un fils, donc un mâle. Dans la même maison. 3 jours après, la deuxième accouche aussi d'un autre mâle. Deux femmes, une même maison, deux enfants. Après l'accouchement, une fait une erreur. Elle dort sur son enfant. Pourquoi? Pourquoi elle dort sur l'enfant? Plusieurs hypothèses. Une des hypothèses, apparemment c'était son premier fils. On ne lui a rien appris. Il y a des erreurs qui peuvent arriver dans la vie. Parce qu'on n'apprend rien. Ou parce qu'il n'y a personne pour t'apprendre. Ou parce que tu refuses d'apprendre. Les gens qui vont loin dans la vie ont eu le temps d'apprendre au pied de quelqu'un d'autre. Alléluia. Je vais ouvrir une parenthèse. On apprend à être médecin. On apprend à être ingénieur. Mais on n'apprend presque pas à devenir une bonne femme ou une bonne mère. On n'apprend presque pas à devenir un bon père ou un bon papa. Et c'est là qu'il y a des dégâts. L'enfant est mort. Elle se réveille la nuit. Elle réalise que son fils est mort. Mais il y a quelque chose qui me choque. Premier point. Nous pouvons être dans la même maison. Dans la même église, ESF sous fécond. Dans la même famille. Avec un amour faux. Plusieurs. Combien de gens ne se critiquent-ils pas dans cette église? Combien de maris ne critiquent pas leurs femmes? Combien de femmes ne critiquent pas leurs maris? Combien de frères ne critiquent pas leurs frères, leurs sœurs, ou les sœurs, leurs frères de la même famille? Je ne parle même pas des sangages, des cousins, des cousines. Je parle même famille. Il y en a qui vont jusqu'à se vouloir du mal. Je ne parle même pas de deuxième femme ou de deuxième homme, ça existe aussi. Bon, s'il y a deuxième femme, c'est que deuxième homme existe aussi. Dans la même maison, elle prend l'enfant vivant. Elle prend le mort. Elle va mettre dans le sein. Quel cœur. Il y a des gens comme ça dans la vie qui prennent les pires des choses, qui mettent dans les seins des autres. Pendant ce temps, l'autre dormait tranquillement. Si elle avait quitté Jésus dans la maison, c'est ma mère, amie, c'est mon intime. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont fait confiance à ceux-là qu'ils appellent, entre guillemets, intimes. Et aujourd'hui, ils souffrent. Il y en a qui ont perdu leur mariage. Il y en a qui sont empoisonnés par des intimes. Il y en a qui sont licenciés au travail à cause des intimes. Église, écoutez la voix du Seigneur. Si tu es de ce camp-là, aujourd'hui, tu dois changer. Tu dois changer. Dans la même église, dans la même famille, dans la même maison, nous devons arrêter ces choses. Arrêtons ces choses. Qui tue par l'épée périra par l'épée. Au travail, combien d'intimes n'ont pas fait du mal aux intimes? C'est ça. Intime qui a fait du mal à l'intime. Bon, finalement, est-ce que intime existe finalement? Je pose la question, est-ce que intime existe? Intime n'existe pas. Ça doit exister. Pourquoi ça ne va pas exister? Ok. Dans l'église, est-ce que les intimes existent? Eh! Hey. Alors, vous savez, il y a un bangou. Donc, dans le mécanisme, on a pas intime. Même dans l'église, il n'y a pas des intimes. Mungu aturumi. Que Dieu nous pardonne. Mungu aturumi. Si même dans l'église, moi je pensais que je pense que vous êtes tous mes intimes. N'est-ce pas, maman? N'est-ce pas? Non. Hein? C'est. Ah, ça commence à faire peur maintenant. Vous savez, nous sommes une famille. Est-ce que dans la famille, il y a des intimes? Donc, même dans la famille, il n'y en a pas. On est où là? Vous voyez ce que le diable est en train de faire? Elles étaient à deux. La première accouche d'un garçon. Et comme Dieu fait bien, elle aussi, un garçon. Si je fais une erreur, je perds ce que j'ai. Je peux encourager ne fût-ce que l'autre à garder ce qu'elle a. Et regarde bien. Elle dort. Je ne sais même pas comment elle m'a jamba, elle est chikudu à l'âle. Elle dort, elle ronfle. Elle prend l'enfant. elle prend celui qui est mort, elle lui remet. Oh bien-aimé, ma prière ce soir, ce matin, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, je chasse de cette église cet esprit d'hypocrisie dans nos familles, dans nos maisons. Nous voulons être vrais, être sincères, au nom de Jésus. Amen. Je sais qu'après ce message, nous redeviendrons des intimes. Intime na bakarikari bu intime ni wandan. Tu seras protégé ton frère. Tu seras protégé ta sœur. Tu ne peux pas sacrifier ta sœur à l'extérieur. Même si elle a mal fait. Ici, je ne dis pas bien faire. Non, non, il n'y a pas. Même si elle a mal fait. Même si elle dort. Je ne peux pas arracher son enfant et lui donner la mort. Non, bien-aimé. Même si elle dort. Je vais attendre le matin. Et lui dire, mon ami, j'ai un problème. Mon enfant est décédé. Sûrement que son ami allait compatir. Sûrement que son ami allait dire, pleurons ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais elle a voulu que la mort soit chez l'autre. Il y a des gens en ces lieux, dans des familles, dans la ville, qui veulent que la mort soit chez l'autre, pas chez lui. Alors que l'erreur, c'est chez lui. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide. Que Dieu m'aide aussi. Mais le cœur de l'homme est terrible. Le cœur de l'homme est terrible. Quelqu'un porte un nouvel habit dans la même église. C'est des problèmes. Il y en a qui vont même jusqu'à manger. Quelqu'un s'énerve parce que Oula n'a couru en coucou. Frère, coucou! Le Kololo Pangola Akin. Il s'énerve, il augmente le loyer parce que tu as mangé la viande. Et nous qui mangeons tous les jours les Ndakal et les Milong. Non. Église. Que Dieu aide nos cœurs. Ça, c'est le premier problème. Alors le matin, l'autre se réveille. Elle regarde. C'est pas mon fils. Ce n'est pas mon fils. Je l'ai porté pendant 9 mois. Je me suis battu. Je comprends ces deux femmes. On ne parle pas de leur mari. Sûrement qu'elles se battaient seules. Elles disent, ça fait 9 mois. Et aujourd'hui, ce que j'attendais dans ma vie, je l'ai eu. Mais que quelqu'un d'autre vienne me l'arracher. Pourquoi tu vas accepter que quelqu'un vienne dans ta vie pour arracher ce pourquoi tu as souffert? des années, des mois, des jours de prière à l'école, au travail. Frères et sœurs, j'ai voyagé 4 fois dans un train. J'ai voyagé 4 fois sur le camion, sur. Étudiant pour aller au bas Congo, Bazaire à l'époque, acheter les cossettes de manioc. Je respecte les gens qui sont sur les camions. Les gens qui voyagent dans les trains ici, ce n'est pas un plaisir. Les gens souffrent. Derrière nous, les hommes, nous étions au-dessus. C'est les femmes qui étaient dedans. C'est trois jours, tu ne te laves pas. Tu as l'impression que le corps ne t'appartient plus. Kimpese, Bazangungu, ce sont des villes ou des villages, des villes. 3 jours, 4 jours. Aucune eau sur ton corps. Mais j'aime quand même la solidarité hein, quand on voyage. Vous vous arrêtez quelque part. Pour tout le camion, on amène un kin 7 jours, une grosse chikwang comme ça. Mais à l'époque, les gens avaient un bon cœur. Je ne sais pas si c'est maintenant toujours pareil. Vous mangez, vous partagez. Tout le monde est ami de tout le monde. Mais après, que quelqu'un vienne t'arracher cette bénédiction. Non. Cette femme a dit, pas question. C'est mon fils. Non, c'est ton fils. C'est ton fils, c'est mon fils. Alors, elle va faire un recours. Chez quelqu'un, chez le roi, un recours. Je voulais parler, comment je peux définir un recours d'abord? Un recours c'est quoi? Un recours c'est quoi? Les gens qui écrivent les recours là à l'université, c'est quoi le recours? Un recours, je pense, on fait intervenir une tierce personne. Une tierce personne. Pour qu'il vienne nous aider à régler un litige. C'est la même chose. Je crois que c'est une définition basique. Que ce soit à l'université, que ce soit dans la vie. Moi et Fernand, on ne s'entend pas. Je fais un recours, madame, viens un peu nous aider parce que ça ne va pas. Mais il y a un problème. Quand on fait un recours, je pense qu'il y a 2 grands problèmes. Quand on fait un recours, le premier problème, c'est connaître l'adresse là où tu vas déposer ton recours. Tu as un recours à l'université de Likasi. Mais tu vas déposer ta lettre à l'ISPT. Ça ne marchera jamais. Alléluia. Donc la première chose, est-ce que vous connaissez l'adresse? Quand tu as un problème dans la vie, là où tu dois aller. Paul dit à un moment donné, dans 2 Corinthiens. Un frère a un problème avec un frère. Et il va prendre un païen pour venir régler leur problème. Il dit, je le dis à votre propre honte. Vous ne savez pas que nous jugerons les anges. Plusieurs personnes. Il a un problème avec un frère de l'église. Non, non. Il va chercher un féticheur pour régler le problème. Non, frères et sœurs, si tu as un problème, tu dois savoir où aller introduire le recours. Alléluia. Deuxième problème. D'abord, c'est l'adresse. Deuxièmement, c'est trouver la bonne personne. C'est encore un problème. Les bonnes personnes. Les bonnes personnes. Capables de résoudre ton problème. Un roi. Non. Deux rois. Chapitre 6. À partir du verset 25. Deux rois, chapitre 6, verset 25. Je vais lire le verset 25 jusqu'au 31. Je vais expliquer rapidement. Je lis seulement en français. Il eut une grande famine dans Samarie. Il la serrait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un câble de fiant de pigeon. Le quart d'un câble de fiant de pigeon, 5 cycles d'argent. Michel, on a rendu à la ville. Il y a Michel Eskiak. Donc, là, ils nous disent que Banakouriaka, en soi, il est facile. Ma vie, il y a un pigeon. Du Anjala. Fiante de pigeon. Verset 26. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria : Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. La femme a vu seulement le roi au balcon. Il dit, roi, sauve-moi. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Avec le produit de l'air. R, il y a eu comme je appelle un pepo, ma samba, ou du pressoir ou bien vin. Donc, t'as sauvé na mavuno, voilà na vigno, pour dire simple. Alléluia. Le roi dit, je vais te sauver avec quoi? Et le roi lui dit, qu'est-ce qu'il y a? La femme lui dit non, non. Je suis encore, en tout cas, encore deux femmes, deux enfants et un même problème. La femme lui dit non, non, mon ami et moi, nous avions un problème. Il m'a dit, donne ton fils, nous allons le manger aujourd'hui. En tout cas, si tu as une amie comme ça, au nom de Jésus de Nazareth, arrêtez cette amitié-là. Tel est ton ami. Tel tu es. N'est-ce pas? Qui s'assemble? Donc vous comprenez, si tu as une amie qui mange les enfants, tu finiras. Ou tu finiras. Ou tu finiras. Ou tu finiras. Ou tu finiras. Ou tu finiras. tu donnes. Tu finiras par Toem. Il dit, donc nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Regardez la malignité des gens méchants. A changé de payaki. Kaloulou. C'est le mot que j'ai cherché. Il dit non, tu crois un bel waku. On commence d'abord à manger ton fils. Elle aussi, comme elle est naïve, elle a accepté. Mais dès le verset 29. Nous avons fait cuire. Aïe. Quand j'ai lu ça, je me dis que non, elles sont méchantes. Nous avons fait cuire mon fils. Ce mot, monsieur, il vient. On a fait cuire. Donc, banamukata, banamweka munchung, anaivia, banafungula bote couvercle, banangara banaulina sama, est-ce qu'anaivia sama, hein? Et nous l'avons mangé. Ça, ce n'est plus la sorcellerie. On a fait cuire et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, moi aussi je lui ai dit, donne aussi ton fils. L'autre dit non. Il a caché son fils. Ils ont fait recours à une mauvaise adresse. Ils ont fait recours à une mauvaise personne qui ne pouvait pas résoudre le problème. Alors je me pose la question. Pourquoi ce problème ne pouvait pas être résolu? J'ai réfléchi à haute voix. Je pense que la difficulté, c'est que les deux femmes voulaient nécessairement qu'il y ait la mort. Il est difficile dans la vie de résoudre le problème quand les gens sont hantés par l'esprit des morts. Il n'y a même pas quelqu'un qui dit non, on peut les laisser en vie. On a tué le premier, on tue le deuxième. Si tu es là ce matin, avec cet esprit-là, tu dois changer. On a tué le premier, on doit tuer le deuxième. Mais ça, c'est un mauvais recours. Nous rentrons dans notre texte. Ça, c'est pour expliquer qu'il faut savoir faire les recours à des bonnes personnes. Frère, attends, on a combattu la Bible. D'abord, ce n'est pas bon. Mais ça peut arriver. Atamuna Kosan. Ce n'est pas bon. La Bible dit, je pense, dans Proverbe. Les muelles, ce n'est pas aux hommes de battre leurs femmes. Il ne faut pas. Tout celui qui a déjà tapé sa femme, il peut lever sa main et nous allons demander pardon à Dieu pour lui. Alléluia. Ah, nous les frères, que Dieu nous pardonne. Je sais que les mains ne vont pas se lever. Mais je prie seulement, j'implore seulement la miséricorde de Dieu. Il ne faut pas mettre la main sur la femme. Non, non. Mais les deux autres, nous rentrons dans 1 Roi chapitre 3. Oui, merci. Donc, quand l'autre dormait, elle lui a amené le bébé qui était mort. Et quand il se réveille le matin, elle trouve que non, l'enfant est déjà mort. Mais elle dit non. Je le regarde. C'est pas mon enfant. Il y a certaines choses qui ne changent pas dans ta vie parce que tu te tais. Il y a des choses qui ne changent pas dans ta vie parce que tu te tais. Dieu attend que tu lui dises ce que tu veux. Troisième chose. Quand elles vont chez le roi Salomon, il y a plusieurs traits exceptionnels et je vais en parler rapidement. Nous allons prier. La première chose, le roi sait que le mensonge et la mort vont ensemble. Et la vérité et la vie vont ensemble. Frères et sœurs, c'est un principe. Le mensonge et la mort vont ensemble. La vérité et la vie vont aussi ensemble. Muongo na muizi ni bantu wafanini. Donc quand nos grands-parents commencent à dire des choses comme ça, ils ont observé. Le roi les appelle. Venez. Elles arrivent. Qu'est-ce qui se passe? À qui appartient cet enfant? Celle-ci dit, c'est mon fils. L'autre dit, c'est mon fils. Mais le roi dit, mais alors je le donne à qui? Non, c'est mon fils. C'est mon fils. C'est mon fils. Le roi les regarde. Le roi dit, ok, donnez-moi l'épée. Je vais couper en deux. Comme ça, je donne la moitié à l'autre. La moitié à l'autre. Le mensonge et la mort vont ensemble. La femme qui avait déjà perdu son enfant, coupez-le. Qu'on le tue. Oh, j'aime notre roi. Quand tu fais recours à notre roi, il n'y a pas la mort. Le recours auprès de l'Éternel, c'est un roi qui donne toujours la vie. Il sait que le mensonge et la mort vont ensemble. La vie et la vérité. La femme qui était mère de l'enfant a senti ses entrailles bouger. Elle a dit, non, roi, ne tuez pas. Donnez-lui l'enfant. Au moins que l'enfant vive. Oh, mais le Seigneur est fidèle. Dieu est fidèle. Quand on est dans la présence de Dieu, il est celui qui protège la vie. Mais c'est le voleur qui vient pour tuer et égorger. Mais le Fils de Dieu est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Je vais donner deux histoires pour vous montrer comment Dieu protège la vie. Dans Matthieu au chapitre 2, à partir du verset 13, quand Jésus est né, il a dit aux mages, allez adorer l'enfant. Quand vous allez terminer de l'adorer, revenez pour que moi aussi j'aille l'adorer. Ils sont partis, ils ont adoré l'enfant. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Et quand vous descendez plus loin, Hérode a donné l'ordre de tuer tous les petits enfants. C'est comme ça qu'il y a la prophétie qui s'accomplit, qu'on entend les cris à Rama, des enfants qui pleurent. Rachel pleure son fils. Rachel pleure ses enfants. Bien aimé, l'ennemi cherche toujours à tuer. Mais Dieu donne la vie. Il y a aussi un autre passage, je crois que c'est dans Apocalypse chapitre 12. À partir du verset 13. Maintenant, Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Verset suivant. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole, qu'elle s'envola au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Verset suivant. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Verset suivant. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Je lève ma main, je prie maintenant que tous les plans de l'ennemi pour tuer tes enfants, que ce soit le fleuve qui va lancer, que ce soit le grand dragon qui va venir. Ce matin, au nom de Jésus, j'implore et je déclare le vrai secours de l'Éternel. Que le secours de Dieu soit sur tes enfants. Ton enfant ne mourra jamais. Ton enfant ne périra jamais. On ne volera pas la vie de ton enfant. On n'usurpera pas ce qui t'appartient. Au nom de Jésus de Nazareth, le Dieu que tu sers, le Dieu qui t'a donné cet enfant, va le protéger. Va le protéger. Je déclare maintenant la protection de Dieu sur les enfants de l'Église. Je déclare maintenant la protection de Dieu sur les enfants de tes frères, sur les enfants de tes soeurs, au nom de Jésus, le grand dragon ne touchera pas tes enfants, Le fleuve n'entraînera pas tes enfants. Même les voleurs ne viendront pas voler tes enfants parce qu'ils sont sous l'abri de l'Éternel des armées. De l'Éternel des armées. Le Dieu vivant. Le Dieu fort. Ce matin, il a décidé de protéger les enfants de l'Église. Et pendant que je parle, il y a certains enfants de l'Église. On veut les voler de leurs parents. On veut les arracher de l'affection de leurs parents. Oh, ce matin, ce complot des ténèbres n'aura pas de place pour tes enfants. Même quand tu dormiras, Dieu restera éveillé sur tes enfants. Même quand tu feras un faux pas, ton enfant ne mourra pas. Au nom de Jésus, tu ne vas pas pleurer tes enfants comme Rachel a pleuré ses enfants. Toi, tu ne pleureras pas tes enfants. Je déclare, il est interdit d'enterrer les enfants. C'est aux enfants d'enterrer les parents. C'est pourquoi ce matin, tous les complots du monde des ténèbres pour que tu enterres tes enfants sont annulés au nom de... Alléluia. Il est fidèle. Tu es fidèle. Il ne peut pas te donner un enfant et permettre qu'on te l'arrache. En tout cas, ce matin, nous prierons. On n'arrachera pas ton enfant. On n'arrachera pas ton enfant. Même si tu dors, le sommeil est normal. J'ai entendu que non, il faut, la nuit, il ne faut pas dormir. Bon. Si tu dors pas la nuit, tu vas dormir quand? Il n'y a que Dieu qui ne sommeille ni ne dort. L'homme dormira à un moment donné, même à un temps, même à la moitié du temps, même au quart du temps. Mais je déclare, même si je dors, même si mes enfants sont dans leur chambre, aucun ennemi ne pourra aller là-bas pour prendre la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare, même quelqu'un de proche, qui s'appelle intime, qui s'appelle la famille, il n'aura aucun droit de prendre la vie de mes enfants au nom de Jésus. Je ne prie pas seulement pour mes enfants dans la maison. Je prie pour les enfants de l'église. Je prie pour les enfants de ton frère, les enfants de ta soeur, les enfants des enfants de tes enfants. Aucun ennemi ne pourra les prendre au nom de... Alléluia. N'accepte pas ces choses. Il ne faut pas accepter ces choses. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Oh bien-aimé, j'arrive maintenant au verset 27, notre thème de ce matin. Mettez-moi le verset 27, on va prier. On va prier. Oh, alléluia. Et le roi prenant la parole. Le roi prenant la parole. Bien aimé, le temps est arrivé. Le roi va arracher la parole à tes ennemis. Le roi va arracher la parole. Frères et sœurs, même le monde ne permettait pas que tout le monde parle. C'était comme ça. Tout le monde n'avait pas droit à la parole. Et d'ailleurs, même quand vous êtes dans une réunion, la parole, on la demande au chef. Il peut te donner ou te refuser. Mais maintenant, là, avec les réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux, tout le monde pense qu'il peut parler. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ana na kusema. Ina padi. Na ana na bio. Ina pa. Asi jobe kona sema. Asi ne sait même pas ce qu'il va dire. Ça n'a même pas de teneur. Aina tena uketo. Teneur. Aina tena uketo. Okatanga tout le monde comprend. Tes paroles n'ont même pas de teneur, c'est 0%. Musemo wako aina tena maana. Mais on a qu'à parler sur social. Il poste vraiment. Il parle aussi. Quand on étudiait, on nous disait à l'époque qu'il n'y avait que les prix Nobel. Les prix Nobel. Prix Nobel. Oui. Qui avait droit à la parole. Toi, tu n'es ni prix Nobel. Enfin, tu n'as rien. Pas qu'à Koussem. Dans l'église. Dans la famille. Tu tues les gens avec tes paroles. Je déclare. Par le pouvoir du Seigneur. Que le Dieu que je sers. Arrache la parole à ceux qui amènent la mort. Il y a des moments dans la famille. Vous dites, où est ta sème? Toi, tu ne parleras pas. On avait une cousine. Elle est déjà décédée. Paix à son âme. Son nom disait déjà beaucoup de problèmes. Mais curieusement, dans notre tribu, j'ai remarqué que les gens qui ont ce nom-là amènent trop de dégâts. Bon, je ne sais pas si dans votre tribu ça existe aussi. Les kona, c'est des problèmes, je vous dis. On lui dit, bon, ok, maintenant là, pour l'ordre, toi là, ne parle plus. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais, oui, tu te résoudre, imam. Oui, il y a tout qui m'y a. On lui a arraché la parole. Bien aimé, notre roi veut maintenant arracher la parole. Il veut prendre son autorité. Ecclésiaste dit, la parole du roi est puissante. Dieu veut prendre la parole. Oh bien-aimé, quand le roi prend la parole, tout le monde se tait. La Bible dit, une fois Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu que la puissance et la force sont à l'Éternel. Alléluia. Dieu veut prendre la parole pour régler plusieurs problèmes. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois de septembre. Nous entrons dans le dernier trimestre. Dieu veut récupérer la parole pour donner la vie là où il y a la mort. Dieu veut récupérer la parole pour arrêter la confusion. Celui-ci dit, celui-là dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Oh, ce matin, Dieu se lève au milieu de l'assemblée de Dieu pour parler. Frères et sœurs, que toute parole, que tout homme soit reconnu menteur et Dieu seul pour vrai. Alléluia. Le roi prend la parole. Il prend la parole. Et il dit, Le dernier recours, frère, l'Éternel, c'est notre roi. Il est notre roi. Il est notre roi. Il ne permettra pas aujourd'hui qu'on t'arrache les choses qu'il t'a données. Il ne permettra pas aujourd'hui que toi tu pleures parce que les autres ont pleuré. Non, bien-aimé, loin de ça notre Dieu, de faire périr le méchant et le juste. Ça, c'est pas Dieu. Notre Dieu, il est juste. Il prend notre part. Nous sommes justes parce que nous avons reçu Jésus-Christ. Parce que nous sommes nés de nouveau. Il nous a justifiés. Il nous a justifiés. C'est ce que la Bible nous dit. Dans Romains au chapitre 3, nous avons la justice de Dieu. Dieu prend la parole et il dit, donnez à la première l'enfant qui vit. Wow! L'enfant qui vit. Il y a beaucoup de choses qui sont mortes. Mais aujourd'hui, Dieu va te donner des choses qui ont la vie, des choses qui ont l'avenir, des choses qui ont l'avenir. Il y a même des lions qui sont morts. Dieu ne va pas s'occuper de ça. Aujourd'hui, là, si c'est le travail, ça sera le travail qui vit. Si c'est le mariage, sera le mariage qui vit. Si c'est le business, ça sera le business qui vit. Dieu prend la parole. Le roi, il dit, donnez à la première. Oh, ça c'est entre les deux. Dieu s'est choisi. Dieu s'est choisi. Bien-aimé, Dieu ne va pas se tromper. Le lieu de la bénédiction, au milieu de plusieurs, Dieu s'est choisi celui qui va bénir ce matin. Et celui-là, c'est toi. Il ne va pas aller ailleurs. Non, bien-aimé. Il ne va pas sauter ta maison. Non, bien-aimé. Dieu va venir pour choisir ta maison, pour te bénir toi. Et Dieu va dire, donnez à la première l'enfant qui vit. Et ne le faites point mourir. Non seulement il va te donner ce qui vit, il se porte aussi garant pour préserver la vie. Il y a des moments où tu te réveilles, tu sens la mort. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu te réveilles, tu sens la mort. Tu sens seulement la mort. Mais tu avais dit non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je ne vais pas mourir. Je vais vivre. Parce que ce n'est pas le temps de Dieu de mourir. Ce n'est pas le temps de Dieu. Dieu a dit, tu dois voir les enfants de tes enfants. Tu n'as même pas encore vu les enfants de tes enfants, de tes enfants. Mais tu sens la mort autour de toi. Oh, c'est pourquoi ce matin, je déclare que tu ne vas pas mourir. Le Dieu que tu sers, il donne la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Je chasse la mort. Je chasse la mort. Je chasse la mort. Je chasse la mort dans ta maison. Je chasse la mort dans tes affaires. Je chasse la mort dans tes enfants. Au nom de Jésus, la mort doit partir. Si quelqu'un est un enfant malade ce matin, il est à côté de toi, tu lui imposes la main. Je chasse au nom de Jésus-Christ tout esprit de mort. La mort doit partir. Même celui qui me suit à la télévision, chasse la mort au nom de Jésus. La mort ne doit pas rester à côté de toi. L'ennemi veut t'amener la mort. Ce matin, le recours auprès du roi. Le recours auprès du roi. Le recours auprès du roi. Et j'aime la dernière phrase, on va terminer par là. C'est elle qui est sa mère. Oh, il n'y a pas de confusion. C'est toi la mère de l'enfant. C'est toi la mère de l'enfant. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Je lève ma main. Au nom de Jésus de Nazareth, personne ne t'arrachera ce qui t'appartient. Personne ne viendra pour arracher la vie chez toi et te laisser la mort. Personne ne viendra pour arracher ton enfant, ta bénédiction et te donner la mort. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce matin, tu vas récupérer ce qu'on a failli t'arracher. Tu vas fermer la bouche à celui qui s'est levé pour réclamer ta bénédiction. Tu vas lui dire, c'est fini ce matin. Le roi a parlé. Et quand le roi parle, c'est fini. Il y a un roi qui s'élève. Le roi s'élève ce matin dans cette salle. Le roi s'élève dans la vie de quelqu'un. Le roi s'élève. Le roi s'élève. À partir d'aujourd'hui, tout celui qui a cherché à arracher ton enfant, tout celui qui a cherché à prendre ta bénédiction, à partir d'aujourd'hui, le roi a parlé. Le roi a parlé. Le roi a parlé. Le roi a parlé. Il est le roi de rois. Il est le seigneur des seigneurs. Quand il parle, personne ne peut révoquer. Balaam dit à Balak, Dieu a parlé. Je ne peux pas révoquer. Il a parlé. Il a béni. Personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. C'est clair. Ce matin, personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Le roi a parlé. Il a parlé. Ce matin, c'est toi la mère. C'est toi la mère. C'est toi la mère. C'est toi la mère. Il n'y aura pas de confusion. Il n'y aura pas de confusion. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Commence à déclarer. Personne, personne ne viendra arracher ma bénédiction. Personne, personne ne va arracher ce que Dieu m'a donné. C'est moi la mère. Alléluia. Commence à déclarer. C'est seulement un temps de déclaration. Seulement un temps de déclaration. Commence à déclarer maintenant. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Au nom de Jésus. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons la présence de Dieu. La présence de Dieu. Entre dans la présence de Dieu. La présence de Dieu. Oh, rababababa. Oh, déclare ces choses. Déclare-les. Personne. Personne. Personne. Personne. Personne. Personne ne va arracher. Personne ne va arracher ce que Dieu m'a donné. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Personne ne va arracher. Personne ne va arracher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les awa pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou pou Reçois ce qui est à toi. Reçois ce qui est à toi. Personne ne va t'arracher. Personne ne va t'arracher. Personne. C'est un temps terrible. Tout celui qui sent dans sa vie qu'on veut lui arracher quelque chose que Dieu lui a donné. La Bible dit dans Psaume. Dans Proverbe, que les enfants sont un héritage, sont une bénédiction de la part de l'Éternel. Tout celui qui sent qu'on veut lui arracher, aujourd'hui, qu'il aille chez le roi, qui dit, Seigneur, pas ça. On ne peut pas m'arracher ma santé. On ne peut pas m'arracher mes enfants. Cette femme, veuve de Naïn, la veuve de Naïn, le jour où elle rencontre le roi, il lui restitue l'enfant. Les gens vont t'accompagner sans te restituer. Mais aujourd'hui, Dieu va restituer des choses. Lève ta main. Dis avec moi, Bwana Yesu. Asubuya leo. Minakata. Tala katika jina lako baninyanganye baraka inyori nipatia ono de Jesus. Tu vas commencer à citer ce que tu supposes que c'est des bénédictions qui viennent de Dieu. Commence à prier. Commence à citer ces choses. Commence à citer. Commence à citer. Commence à citer. Personne ne va arracher ta santé. Personne ne va arracher ton travail. Personne ne va arracher ton mariage. Personne, personne. C'est le dernier dimanche de septembre, nous sommes en prière. Deuxième sujet de prière. Fais comme cette femme. Quand elle se réveille le matin, elle regarde dans son sein. Elle trouve un enfant qui est mort. Elle observe. Elle l'enlève. Ce matin, tu vas enlever dans ton sein, dans ta famille, dans ton travail, dans ton business. Nous allons enlever dans l'église tous morts que nous constatons. Ta prière sera fonction de ton constat. Lève ta main droite. Dis avec moi. Bwana Yesu. Asubuya leo. Minangaria mujumba yangu. Minangaria mumaisha yangu. Minangaria mukizazi kietu. Minangaria mukanisa yetu. Minangaria mumaisha yangu. Minaona bifo. Mine wao kuweke. Mine kiza riweka. C'est pourquoi mina bikatala. Parce que mitoke kuwako. Mina bikatala sumu ya leo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors élève ta voix, commence à refuser ces choses. Refuse la mort. Ta prière est fonction de ton constat. La mort que tu constates ce matin. Que Dieu te bénisse, tu pries très bien. Nous avons encore quelques sujets de prière. Bien-aimé, prends ces sujets à cœur. Cette femme vivait avec son ami supposé intime dans la même maison. Mais qui a préféré lui donner un enfant mort. Alors, j'aimerais que chacun prie pour son environnement. Prie pour tes amis. Prie pour ta famille. Frères et sœurs, il y a des choses, peut-être que ton insécurité est juste autour de toi. Autour de toi. Même maison, même 3 jours d'accouchement. Mais après, elle veut la mort de l'autre. Tu ne connais pas le cœur de tes amis. Tu ne connais pas. Les gens souffrent aujourd'hui. Il y a des choses, il y a même des histoires qui font mal. Oh, j'aimerais que tu pries. Je donne juste un petit témoignage pour t'encourager à prier. Je connais une maman à Kinshasa qui était grosse mais empoisonnée pendant qu'elle est grosse. Et le poison a touché et la maman et l'enfant. Heureusement qu'ils avaient des moyens. pour sauver, on a dû la faire accoucher avant terme. À Londres, enfin, faut dire encore, elle est arrivée à Londres. Faut-il encore arriver là-bas? C'est encore un problème. On a soigné la maman, mais ça a pris beaucoup de temps pour le sang du bébé. Quand elle me montre les images, alors, prie pour ton environnement. Pour rien. Pour rien. Elle est arrivée à un endroit. Elle a eu soif. Alors qu'on avait déjà préparé les bouteilles pour d'autres personnes. Tellement elle a une soif, elle est partie prendre ces bouteilles-là. Ce qui n'était pas prévu, frère, il y a des morts qui ne sont pas prévues pour toi, Onengiam. Elle me dit, pasteur, si Dieu m'a sauvé, sauvé mon enfant, c'est parce que ça ne m'était pas destiné. Mais nous voulons prier. Tu vas prier. Seigneur, mon environnement. Que rien de mauvais entre dans mon environnement au nom de Jésus. Élève d'abord mon sang. Bien-aimé, prie ton environnement. Les gens qui t'entourent. Avant-dernier sujet. Omber Afikiyaku. Mnesema Muswahili. Jutu sikilizaneni mzuri. Omber Afikiyaku. Aba banamuke bawiri. Ukuna rafiki kwa nakupropoza sema tukure mtoto yako. Ana rafiki mzuri. Twende tukaibe, ana rafiki mzuri. Ombea rafiki yako. Bien-aimé, si Dieu, il y a de choses qu'on réussit dans la vie parce qu'on a de bons amis. David a eu la vie sauve. Parce qu'il a eu à un moment donné un bon ami dans sa vie. Jonathan, qui a protégé même David contre son père Saül. Les bons amis sont devenus très rares. Très, très rares. Source féconde. RDC. Les Africains, les bonnes amitiés sont devenues rares. Mangeons ton fils et demain nous allons manger l'autre. La Bible ne dit même pas ni mubaya kuria batoto. Tu courir. Et puis pendant ça que tu causes, pendant que tu causes, ça ne va pas être kata kata. Prie pour ton ami. Que Dieu te donne de bons amis, de bons amis. Élève ta voix. Tu connais toi-même ton ami ou tes amis. Moi, Baba, intime, intime. Priez pour les intimes. Priez pour les intimes. Élève ta voix, commence à prier. Il y a des choses qui me traversent vraiment l'esprit. Pourquoi le roi n'a pas cherché le père de cet enfant? Il en avait le pouvoir. Ça commence à traverser mon esprit. Mais le roi a préféré dire donner cet enfant à sa mère. Parce qu'il sait qu'une mère, s'il y a un morceau de gâteau qui reste, il va donner d'abord à l'enfant. Une mère saura protéger son enfant contre des bandits, contre toute intrusion. J'aimerais comprendre que Dieu nous donne le cœur de mère. Vous savez, la Bible nous parle des mères exceptionnelles. Aina pare à Mokinoa, des mères. Devant un dilemme, elle choisit de perdre sa vie. Ne livre pas ton enfant. Cette veuve de Sarepta dit, ce n'est pas grave, il reste un peu d'huile, un peu de farine, nous allons manger, mon fils et moi, et après nous mourrons. Ça signifie que d'abord l'enfant va manger la quantité qui lui convient. Et c'est le reste que la mère va manger. Et la mère suppose qu'elle va mourir avant l'enfant. Elle ne veut pas voir son enfant mourir en face d'elle. Elle ne veut pas. Rappelez-vous de Rachel. Dans la douleur, elle fait tout pour que Ben Onin, le père a changé, Benjamin, sorte et puis dit, je peux mourir. Ça, c'est le cœur d'une mère. Lève ta main. Dis, Seigneur, donne-moi le cœur d'une mère. Donne-moi le cœur d'une mère. Pour mon fils. Une mère reste une mère. Aucun enfant ne peut détester sa mère. Même si les mères parfaites n'existent pas d'abord. Non, non, monsieur Oazul Kamisa, parfaite. Elles existent, mais on les aime toujours. Parce que ce sont nos mères. Et c'est ça le comportement de l'enfant. Que Dieu nous donne le cœur de mère. Quel que soit le problème, que nous ayons le cœur de mère. Vous savez, parfois, on nous demande les onctions qui ne servent à rien. Les onctions qui ne servent à rien. Mais ici, que Dieu nous donne le cœur de mère. Elle préfère entrer dans le feu. Elle fait sortir l'enfant et elle meurt avec le feu. Oh, bien-aimé. Une mère se sacrifie. Quand je parle de mère, je pense toujours aussi à ma mère et je prie le Seigneur pour elle. Je prie le Seigneur pour elle. Chaque fois que je lui pose la question, pourquoi tu ne t'es pas remarié à 33 ans? Elle me dit toujours, c'était pour vous. Pour vous. Oh bien-aimé, prions que Dieu donne le cœur de mère. Si tu es mère, que Dieu affermisse ton cœur. Si tu as une mère qui a envie, prie pour ta mère. La mère, c'est beaucoup de choses. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever, toute l'église debout? Levez les mains, je vais confirmer. Moi, je vais sceller les prières. Comme Anne. Elle a prié, elle a pleuré. Et Élie a dit juste que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Et depuis ce jour-là, la vie de Anne a changé. Père, éternel notre juge, éternel notre législateur, et aujourd'hui, éternel notre roi, en tant que ton serviteur, je confirme dans la vie de tes enfants. Personne et rien ne leur arrachera la bénédiction que tu as dit. Je confirme que dans leur sein, il n'y aura pas de morts qui vont traîner que l'ennemi a déposé. Je confirme dans leur environnement, il n'y aura pas de traîtres. Je confirme dans leur amitié des amis sincères. Je confirme, Seigneur, qu'ils auront le cœur de mère. Merci, Seigneur, parce que tu vas nous donner cela et tu vas le leur donner au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut célébrer le Seigneur. J'aimerais qu'on loue le Seigneur. Imaginez-vous cette femme. Son enfant était déjà mort. Mais le roi lui dit non, Mutoto akoye ekomujima. Alors, mon message s'arrête ici, mais je me posais des questions. Est-ce que Barudia Numba Moya? Je ne sais pas. Bon, la Bible ne me dit pas. Mais là, c'est moi, le matin, je me posais des questions. Selon vous, est-ce que Barudia est un Numba Moya? Barudia est un Burafiki. Ça signifie que dans la vie, il y a des gens circonstanciés. Non, pas quoi gaffe. Voilà. Il y a des gens qui ont. Il y a aussi des gens ou amilele. Bata ko sindikisha pendant longtemps. Je prie que dans la vie de ton voisin, dis à ton voisin, ou quoi, ou je crois circonstance, ou je crois dis à ton voisin, ou je crois ou quoi, alors on va faire les offrandes et on va louer le Seigneur pendant ce temps. Le protocole, la chorale, nous voulons, si tu veux te tenir debout, tu te tiens debout, tu danses pour le Seigneur. Nous voulons danser, Maman Gloria. Généralement tu danses seul, tu danses bien, mais tu ne fais pas danser. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Nous voulons danser. Ok, nous voulons danser. Alors, vous nous chantez, nous voulons danser et bénir le Seigneur. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière, il est.

Nous avons baptisé hier une sœur. Je veux qu'on remette son certificat de baptême. La sœur Andrea Ingangi Kalong. Elle est où? Est-ce qu'on peut l'encourager? On peut l'encourager. Que Dieu te bénisse. Amen. On est content que tu sois maintenant enfant de Dieu et membre de l'Église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'encourager? Ah, avant que je donne le communiqué, parce que je parle déjà de Andrea, c'est la soeur Andrea, j'ai retenu. Je voulais juste expliquer quelque chose à l'intention de toute l'Église par rapport au deuil que nous enregistrons. La première chose sur laquelle je voulais insister aujourd'hui, c'est que les secteurs font partie de l'Église. Et je vais encourager les chefs secteurs à prendre les choses en main. Et je vais encourager toute l'Église, chacun doit aller quelque part dans le secteur. Chaque lundi, nous avons prière dans le secteur. Ceux qui sont à UCS, Cadel, c'est réuni sur le lundi ici à l'église. Ceux qui sont au quartier mission, c'est réuni sur Shangalele au numéro 7. Chez Papa Eric et Maman Fifi. Ceux qui sont à Chitourou, c'est réuni sur Papa Jules et Maman Sylvie. Ville et quartier Zout, c'est réuni sur le frère Olivier des artisans. Olivier, il est où? C'est toi, c'est numéro combien? Je ne sais pas le numéro. 32B. Ils se réunissent là-bas. Et dans les semaines ou les jours qui viennent, nous allons ouvrir un autre secteur pour les frères qui sont à Kikula, Lanis. Kitabataba, c'est le mot qui se dit, merci beaucoup. Donc, nous allons ouvrir un secteur. J'ai parlé avec eux la fois passée. Et ça sera un autre secteur de ce côté. J'exhorte tout le monde à aller dans les secteurs. Bien-aimé, je suis pasteur, je suis ancien, je suis diacre, je suis membre de l'Église. Et d'ailleurs, chaque fois que j'aurai le temps et que je passerai, j'encourage les autres. Pourquoi je dis cela? Ça va nous faciliter beaucoup de choses. Lors de deux, nous avons trois catégories. En fait, c'est deux catégories, mais le troisième, je vais vous expliquer. Quand il s'agit de la mort du premier degré dans l'Église. Premier degré, c'est le membre effectif de l'Église. Alors, un membre effectif. Ah non, bien quoi? Bon, ok. Hein? Ok, vous avez compris. C'est celui qui est baptisé, donc qui est comme ma soeur, ma fille qui est là, ma soeur, Andrea, qui a été baptisée dans les eaux profondes. À partir de ce moment, nous écrivons son nom sur la liste des membres effectifs. Et ici, je profite pour dire à tout le monde, nous tous les membres effectifs, nous devons soutenir l'Église. Notre soutien, c'est quoi? Un, c'est le service. Être actif à l'église. Deux, c'est les offrandes. Trois, c'est les dîmes. J'ai la liste des dîmes. Frère, vous travaillez. Pourquoi vous ne donnez pas la dîme? Le budget de l'église est constitué à 70% des dîmes. Donc j'encourage tous les membres à donner la dîme. C'est un acte de foi. Et c'est une bénédiction. La vie s'arrête quand il n'y a plus de semences pour la vie. Chaque fois que vous arrêtez de semer, soyez sûr que vous arrêtez d'avoir le maïs dans les mois et les années qui viennent. Et payez la dîme. La dîme, en fait, on la paye. Parce que c'est une obligation de Dieu qui t'a protégé, gardé, qui t'a béni. J'ai dit toujours que la dîme n'est pas le premier dixième. La dîme, c'est le premier un dixième. Le premier un dixième. C'est-à-dire, avant de faire mes dépenses, je sais déjà que non, 10% ou dixième, il y a moung. Donc, membre effectif, celui qui est baptisé dans les eaux profondes. Kama kuna kwa kirio, l'église prend en charge le deuil. Et puis, j'explique ce que signifie prendre en charge. En fait, nous accompagnons la famille. L'église ne va pas tout faire. L'église accompagne la famille pour donner un coup de main à la famille. C'est comme ça que vous allez voir les mamans qui préparent le jour de l'enterrement et nous prenons toutes les dispositions au niveau du social de l'église. Maintenant, deuxième degré, c'est celui, c'est un membre de l'église qui dit que lui, il n'est pas mort, mais en affiche à parents, frères, sœurs, quelqu'un qui habite dans sa maison. C'est ce qu'on appelle le deuxième degré. On pas directement ni muntu mwingine ndukuyaki. À ce moment-là, c'est le secteur. Le secteur, c'est l'église aussi. En fait, c'est l'église du quartier. Donc, il y a des secteurs, on peut dire que Munakuya déjà Kanisa. Le secteur, c'est l'église du quartier. C'est comme Kamatanda, c'était d'avoir un secteur. Et un bon jour, on a dit non, désormais, ça devient une église. Donc, le secteur, c'est une église. Donc, pour le deuxième degré, c'est le secteur. Maintenant, s'il s'agit d'un enfant, je commence d'abord par un bébé. C'est toujours le secteur. C'est toujours le deuxième degré. Parce que l'enfant n'est pas encore membre effectif de l'église. Maintenant, si l'enfant a grandi, il est à l'écodime. Là, nous avons secteur et écodime qui interviennent ensemble à ce deuil-là. Voilà, j'espère que j'ai donné tous les cas de figure pour qu'il n'y ait pas de problème. Au-delà de tous les cas de figure, il arrivera toujours que le pasteur déroge. Des roses. À déroger. À Tchakoule Kiakoufane. Ok. Il arrivera que pasteur à Tchakoule Kiakoufane. Ça signifie quoi? Plusieurs critères. huyu mama eko natumika sana ku kanisa. Anapenda kanisa. Me mambo mubaya na mufikia. Mtu ule kone kala munyumba yake. Le pasteur peut déroger. Pour honorer les cas où les mamas, où les babas, où les kidjana, anamutumikia Mungu. Donc, ou bien, pasteur, dans une situation difficile, on ne sait pas faire quelque chose, l'église peut intervenir. Donc là, c'est, il y a toujours, comment on appelle ça? Les exceptions qui confirment la règle que le pasteur ou le responsable a pour faire avancer le travail de Dieu. Et chaque fois, j'essaie d'apprécier tel ou tel cas. On peut dire, non, non, ne dites pas ça. Le pasteur a dérogé pour certaines raisons que lui-même connaît. Vous pouvez venir, pasteur, je peux expliquer. Pourquoi? Donc voilà, j'ai voulu que nous ayons cette précision-là, ça va nous aider à avancer. Ok? J'espère que tu as écrit ça, on a quelqu'un qui nous en a comprendre. Tout le monde a compris. Je vous aime beaucoup parce que vous comprenez, ça c'est l'église des gens superbement intelligents. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous donnons quelques actions de grâce. Le frère Vincent, il est là. Caribou. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? C'est le mari de Maman Miki. Il a connu un accident au travail. Et il a eu des problèmes avec son bras. Dieu l'a sauvé et il rend grâce au Seigneur. Est-ce qu'on peut l'encourager? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut l'encourager? Encourager. J'ai vu aussi un de mes enfants, Otniel. Je l'ai vu quelque part ici. Otniel, il est où? Viens. Il a perdu son père. Il rend grâce aussi à Dieu. Il a perdu son père. Beaucoup de gens ne le connaissent pas. J'ai fait expressément qu'il passe ici devant. Moi aussi j'ai découvert sa maison. Enfin, découvert chez eux. C'est derrière Bethesda, là où il y avait le deuil. Il vient à la JPC et voilà, nous devons l'encourager et encourager nos jeunes gens à aimer le Seigneur. Il se bat seul dans sa vie et c'est un homme, c'est ça être un homme, et Dieu va continuer à le bénir. Que Dieu te bénisse. Anniversaire, le frère et la sœur Johanna. Johanna, elle est où? Nous bénissons le Seigneur. Johanna, venez, on acclame le Seigneur, on l'encourage. Si c'est votre anniversaire aussi, venez. Venez aussi. Si c'est votre anniversaire. Bambazaka en septembre, abashitake kumasomo. Profite tout comme. Ok, nous prions pour la sœur Johanna. C'est la fille, hein? Ok, que Dieu la bénisse. Elle est très bien habillée. Avec un bon truc à la tête. Est-ce qu'on peut bénir Johanna? Prions pour elle. Seigneur, merci. Je bénis Johanna. Je bénis sa vie et ses jours. Que ta grâce soit sur elle. Je refuse tous les plans, les complots de l'ennemi contre sa vie. Je la recommande entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour encourager. Merci. avant de terminer, nous donnons le programme. Mercredi, nous avons un culte. Jeudi, les mamans. Vendredi, culte de prière. Samedi, intercession le matin. Mardi aussi, nous avons intercession à 17h. Et nous voulons être là pour honorer le Seigneur. Je voulais annoncer aujourd'hui que déjà à partir du mois d'octobre, nous nous mettons en prière pour préparer notre programme de Moulima 30-2025. Moulima 30-2025 commencera le 23 dimanche après-midi, le 23 novembre. Donc, c'est un moment où nous prions tous les jours. Et nous mangeons seulement le soir pendant 30 jours à partir du 23 novembre. Donc, nous nous préparons dans la prière pour le moment de prière qui vont nous accompagner jusqu'à la fin de l'année. Et nous croyons que Dieu va nous faire grâce. Les orateurs viennent d'en dehors de l'Ikashi. Et nous prions pour eux, pour que Dieu les soutienne. Et je vais vous confirmer dans les jours qui viennent les dates telles qu'elles seront agencées. Alors que toutes les commissions travaillent. La chorale, protocole, les hôtesses, l'intercession, hommes adultes, les mamans, ceux qui arrangent. Tout ce qu'on a fait à la campagne, mais nous allons le faire à l'intérieur. Là, c'est des moments pour nous de prière, pour écouter les instructions du Seigneur pour l'année qui vient. Et pour terminer l'année dans la présence du Seigneur. Donc dans les jours qui viennent, je vais vous donner le nom de tous les orateurs. Et le temps que je puisse, celui-ci a choisi telle semaine, telle semaine, telle semaine. Maintenant, j'essaie de regarder pour qu'il n'y ait pas de télescopage des semaines. C'est le travail que je suis en train de faire. Pour que ma semaine ici congane, j'ai dit télescopage, j'ai dit ici congane. Pour que les choses soient bien rangées et que nous puissions annoncer, et nous allons faire des affiches déjà pour le programme. Et nous encourageons l'évangélisation à continuer le travail qu'il est en train de faire. Et nous vous encourageons, chaque dimanche nous mettons les paniers. Nous avons les paniers, les deux paniers sont les paniers des offrandes. Il y a un panier pour l'action de grâce. On va changer de couleur, on va mettre un autre panier d'une autre couleur pour l'évangélisation et le programme de Moulima 30. Ça sera un seul panier, nous mettrons là-dedans pour nous permettre de préparer le travail qui est en train de venir. Et si Dieu vous met à cœur, ne manquez pas de nous aider, d'aider l'Église pour ce travail. J'ai déjà juste calé pour le premier orateur, le pasteur Trésor de Philadelphie. Celui qui va inaugurer Moulima 30. Il vient de Kinshasa, Philadelphie, Kitambo. Alors voilà, lui il sera là le 22 et il prendra toute la semaine jusqu'au le 1er décembre. Et les autres, je vais aménager et confirmer les autres programmes. Donc, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vos prières. Et nous voulons être concentrés vraiment dans la prière. Avant de terminer, nous avons trois enfants à présenter au Seigneur. Et comme je l'ai dit, chaque... Il n'y a pas de problème. Chaque parent vient avec chaque chef secteur. Enfant Mutombo Kadiata Israël, père, papa Célé et mère, maman Mamou. C'est ça? Maman Mamou, hein? Papa Célé, je l'ai vu quelque part. Il est où? Aujourd'hui, il n'est pas venu. Ok, chef secteur. Et maman secteur, maman Sylvie, venez prendre l'enfant. Donc, ils sont des secteurs Chitourou. Deuxième enfant, Moulangou Kabongo Elvis. Papa Fernand, maman Ruth Manyonga. Waouh! C'est quel secteur? Hein? Kadel Usses, papa Pamphile, papa Pamphile, maman Moulang, maman Moulang, ils sont gentils, c'est le nom de maman Gloria, ok, elle a donné le nom à maman Gloria. Et c'est toujours bien de faire ça dans la maison de Dieu. Troisième enfant. Enfant Rowen. De papa Hugues et maman Dema. Hé, Hugues. C'est quel secteur, Hugues, maman, tu es dans quel secteur? Hein? Maman Lorraine, papa Olivier, secteur Zout. C'est comme ça qu'on va commencer à présenter les enfants, ça sera beaucoup plus facile. On encourage aussi les chefs secteurs. Hein? Ok. Nous prions, voilà, c'est la joie des secteurs, c'est la joie de l'Église de présenter les enfants. Nous les bénissons et nous les recommandons au Seigneur. Prions pour eux. Prions pour eux. Au nom. Seigneur, nous te présentons ces enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons l'enfant Israël que nous recommandons à ta grâce et entre tes mains. Nous bénissons l'enfant Elvis Moulang que nous recommandons entre tes mains, Seigneur. Nous bénissons l'enfant Rowen que nous recommandons entre tes mains. Nous bénissons les parents. Donne-leur tout ce qui convient, Seigneur, pour l'éducation, la croissance et la formation de ces enfants que nous recommandons entre tes mains. Nous prions par la même occasion et bénissons tous les chefs secteurs qui sont là, Seigneur, pour que ta grâce soit sur eux, que ta grâce les accompagne, que ta grâce les soutienne dans le travail qu'ils exercent dans la vie de ces enfants. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Que Dieu vous bénisse. Ils peuvent rentrer à leur place maintenant. La chorale nous accompagne. Nous voulons bénir ses enfants. Tous ceux qui se sont souvenus de ses enfants, que ta grâce soit sur eux au nom de Jésus. Amen. Si c'est votre première fois de venir à l'église, levez la main là où vous êtes, nous voulons vous accueillir. Votre première fois, nous avons un frère qui est là, nous avons un frère qui est là au fond. Il y a qui d'autre? Il y a un frère qui est là. Est-ce que vous pouvez vous lever? On veut vous accueillir. Est-ce qu'on peut les accueillir, on peut les saluer? Ceux qui sont autour, saluez-les, saluez-les. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Après les cultes, venez vous asseoir ici. Vous qui êtes là, vous restez là. Il y a des frères qui vont parler avec vous. Secteur de Sitourou, on me dit que demain, le secteur, c'est chez le frère Cédric. Qui était en deuil, c'est là que le secteur va se passer. Nous nous tenons debout. Lève tes mains. Commence à remercier le Seigneur. Oh, tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. J'aime ta présence. Commence à bénir le Seigneur. Oh, j'aime ta présence, Seigneur. Tu me fais du bien. Oh, tu es merveilleux. Sois élevé, Jésus, pour tout ce que tu as réalisé dans nos vies. Adore le Seigneur pendant qu'on change de cantique. Bénisse-moi le Seigneur pendant quelques minutes. Oh, merci Jésus. Nous te rendons grâce. Elle me rassure. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as réalisé au milieu de nous. Je bénis ton nom. J'élève ton nom. Nous sortons avec la joie de l'Éternel. Parce que tu nous as retourné ce qui nous était arraché. Tu as éloigné la mort de nos vies. Le roi a parlé. C'est pourquoi nous t'acclamons ce matin. Nous voulons louer le Seigneur avec la chorale pendant que nous sortons. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche.